السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour la deuxième assise de la lecture et l'étude de l'épître Les Trois Fondements du grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous assister et de nous octroyer la réussite. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. L'auteur du livre a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. La première, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé la subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. Bien au contraire, il nous a envoyé un messager: quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve à ce sujet est dans la parole. Nous avons, dans la parole d'Allah, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. La deuxième, c'est qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un messager, pas même un prophète messager ou un ange rapproché. La preuve à ce sujet dans la parole d'Allah: les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. La troisième, c'est de savoir que quiconque obéit au prophète et rend un culte exclusif à Allah n'a pas le droit de prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète, pas même ses plus proches parents. La preuve à ce sujet dans la parole d'Allah: tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour ami ceux qui s'opposent, prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère, les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans leur cœur et ceux qu'il a secourus. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah et celui de ceux qui réussissent. Dans la parole de l'auteur, اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Nous avions déjà expliqué cette parole et cette invocation de l'auteur envers le lecteur et l'étudiant en sciences. À travers cette phrase, il attire l'attention du lecteur et de l'étudiant sur l'importance de ce qui va être dit. De même, il invoque en sa faveur et ceci montre la compassion, la douceur de l'auteur envers le lecteur et l'étudiant en sciences. Ceci nous montre également sa volonté de prodiguer le bon conseil. Ainsi, il convient à toute personne qui enseigne, à tout professeur, de faire preuve de douceur dans l'enseignement et de ne pas faire preuve de dureté, car la dureté fait fuir de la science. Dans sa parole, il est obligatoire à tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de les mettre en pratique. Ici, il est question d'obligation individuelle, comme nous l'avions cité précédemment, car ce sont des questions qui sont liées à la croyance du musulman. Il convient donc à chaque musulman, homme et femme, d'apprendre ces trois choses et de les appliquer. La première des trois choses que l'auteur du livre a cité, rahimahullah, est أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Allah nous a créé, nous a accordé la subsistance et ne nous a pas laissé sans but. Allah nous a créé, c'est-à-dire qu'il nous a créé à partir du néant. Il nous a fait exister alors que nous n'étions rien avant notre création. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Dans le sens, ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, ceci m'est facile et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Sourate Maryam, verset 9. Allah dit également dans le sens du verset: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Dans le sens, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Les versets dans le Coran concernant le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé toutes choses sont nombreux. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: Allahu khaliqu kulli shay. Dans le sens, Allah est le créateur de toutes choses. Sourate Zumar, verset 62. Il dit également: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, ou alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et vos œuvres. Surat les rangées, verset 96. Il dit également: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Surat At-Tur, verset 35. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, rapporte dans son authentique le hadith de Jubair ibn Mut'im, radiallahu anhu, qui a dit: alors que j'étais encore polythéiste, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter la sourate At-Tur dans la prière du Maghrib. Lorsqu'il arriva à la parole d'Allah, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Où sont-ils eux les maîtres souverains? Il dit: lorsqu'il arriva à ce passage, mon cœur faillit s'envoler. Et ceci fait partie des causes qui ont poussé ce compagnon radiallahu anhu à embrasser l'islam. Effectivement, comme a dit l'imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala dans l'explication de ce verset, il dit que cela soit du point de vue rationnel ou religieux, les choses ne sortent pas de ces trois cas de figure. Soit ils ont été créés à partir de rien, du néant, sans créateur qui les a créés, ce qui est impossible et n'est pas accepté par la raison saine. Soit ils sont leur propre créateur, ce qui est impossible à admettre aussi, car on ne peut imaginer qu'ils se sont créés eux-mêmes. Si ces deux cas de figure sont impossibles à admettre, reste le troisième cas, c'est-à-dire que c'est Allah qui les a créés, et si on admet cela, alors il est le seul à mériter l'adoration. Fin de citation. Ensuite, l'auteur du livre a dit « Il nous a accordé la subsistance ». C'est-à-dire, il nous a accordé la subsistance. Rentre dans la subsistance, la nourriture, la boisson, les vêtements, les demeures, les montures, les enfants, les bonnes choses, tout ce qui est utile au serviteur. Pour que le serviteur utilise cette subsistance dans ce pour quoi il a été créé, qui est l'adoration d'Allah. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin ». En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Surat Al-Dhariyat, verset 58. Allah Azza wa Jal a assigné à chaque serviteur sa subsistance, qu'il ne peut fuir, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Si le fils d'Adam fuyait sa subsistance comme il fuit la mort, sa subsistance le rattraperait comme la mort le rattrapera. Et cette subsistance est un bienfait et une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Ce qui implique d'être reconnaissant et d'utiliser ses bienfaits dans son obéissance. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dans le sens, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Certains pieux prédécesseurs disaient « Kullu ni'matin la yuqarribuka aw la tuqarribuka min Allah fahiya baliya. » Tout bienfait qui ne te rapproche pas d'Allah est en réalité un malheur pour la personne. Il y a dans ce premier point la reconnaissance de l'unicité dans la seigneurie. Allah qui est le seul à nous avoir créés, qui est le seul à accorder la subsistance à ses serviteurs, et de surcroît le seul à mériter l'adoration. Car la reconnaissance de l'unicité dans la seigneurie implique l'unicité dans l'adoration, ou mène la personne à l'unicité dans l'adoration et l'état de servitude à Allah Azza wa Jal, seul. Ensuite, l'auteur du livre a dit « وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا » Il ne nous a pas laissé sans but, c'est-à-dire sans but livré à soi-même comme les bestiaux. Allah dit à cet effet, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Dans le sens rapproché, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux en vain. Il dit également, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Dans le sens rapproché, pensiez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Surat al-Mu'minun, verset 115. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Dans le sens, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Surat al-Qiyama, verset 36. Effectivement, Allah Azza wa Jal nous a créés pour un but précis, qui est l'adoration, qui est de l'adorer seul sans rien lui associer. Il dit à cet effet, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cette vie d'ici-bas est une vie de semences et de commerce pour l'au-delà. Le serviteur prend ses provisions parmi les bonnes actions. Ensuite, il mourra pour être ressuscité par la suite. Ensuite, il sera jugé et rétribué en fonction de ses œuvres. Ceci est le but de la création des hommes et des djinns. Et les versets démontrant cela sont nombreux, de même la raison saine amène à ce raisonnement. Effectivement, comment peut-on concevoir qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre, qu'il a créé l'homme, lui a soumis tout ce qu'il y a sur terre, De même, comment peut-on concevoir que le serviteur qui passe toute sa vie dans l'obéissance à Allah, dans son adoration, qu'il passe toute sa vie dans l'obéissance à Allah et dans son adoration, que ce serviteur soit dans un besoin, dans la pauvreté, mène une vie de pauvreté, qu'il soit opprimé et qui malgré cela patiente en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, en espérant qu'Allah le récompense le jour de la résurrection. Et à l'opposé, le mécréant, l'athée, qui renie son créateur par orgueil, qui vit dans ce bas monde et profite des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, désobéit à Allah en étant noyé dans les péchés, en étant injuste envers les gens, en mangeant injustement les biens des gens à travers les intérêts usuraires et autres, en se vantant sur terre, en tuant sans droit. Puis après cela, ces deux catégories meurent sans qu'ils ne soient jugés et rétribués pour ce qu'ils ont commis. Tout ceci n'est pas compatible avec la sagesse d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit à cet effet, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Dans le sens, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Surat al-Qalam, versets 35 et 36. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Dans le sens, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Surat Sad, verset 28. Dans la parole de l'auteur, rahimahullah, bal arsala ilayna rasula, mais il nous a envoyé un messager. C'est-à-dire, Allah nous a envoyé un messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, pour qu'il éclaircisse aux gens l'objet de leur création, qui est l'adoration à Allah. Ensuite, qu'il éclaircisse et qu'il montre aux gens comment adorer Allah Azza wa Jal. Car les actes d'adoration sont certes arrêtés et restreints à ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit, et ou approuver. La sagesse dans l'envoi des messagers est qu'ils nous informent sur le but de notre création, qu'ils nous montrent et nous expliquent comment adorer Allah, de même qu'ils nous mettent en garde contre la mécréance, le polythéisme, l'innovation et la désobéissance. Ensuite, l'auteur du livre a dit « فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ » Quiconque lui obéit rentrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera dans le feu. C'est-à-dire celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné entrera au paradis, et celui qui lui désobéit dans ce qu'il a interdit entrera au feu. Les preuves sur l'obligation d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran sont nombreuses. Nous pouvons citer à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal a dit « وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا » Et s'ils lui obéissent, ils seront certes bien guidés. Surat An-Nur, verset 56. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Sourate An-Nisa, verset 80. L'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, a dit, j'ai regardé dans le mushaf et j'ai trouvé que l'ordre de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mentionné dans 33 versets du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira, Kullu ummati tadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasul Allah. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il dit, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui le refuse. Ils ont dit, mais qui refuserait, ô messager d'Allah? Il dit, quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit aura certes refusé. Ensuite, l'auteur du livre cite la preuve de cela, il dit « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا » Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Ensuite, l'auteur cite la deuxième chose obligatoire à connaître, qui est أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا غَيْرُهُمَا. Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un prophète envoyé ou un ange rapproché, ou autre que ces deux. Il y a dans ce point l'appel à l'unicité dans l'adoration, l'obligation d'unifier ses actes pour Allah seul et de ne rien lui associer. Que ça soit un ange rapproché, comme Jibril ou les anges porteurs du trône ou autres, ou qu'il fasse partie des prophètes envoyés, comme les messagers doués de fermeté qui sont les meilleurs des prophètes, comme Mohammed, Ibrahim, Moussa, Nuh et Isa, alayhimus salam. Et s'il n'est pas permis d'associer à Allah les meilleurs des créatures, parmi les anges rapprochés ou les prophètes envoyés messagers, alors, a fortiori, ceux qui sont en dessous de ces catégories, comme les saints, les personnes pieuses ou autres. Le polythéisme c'est le fait d'adorer autre qu'Allah avec Allah ou en dehors d'Allah. Et le polythéisme est le plus grave des péchés, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ayyu dhanbi a'zam » faqal « An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak » Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Quel est le plus grand péché ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire « Que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. » De même, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le polythéisme à celui qui meurt dans cet état, sur ce péché. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. De même, le polythéisme annule les bonnes actions. Allah Azza wa Jal dit à la meilleure créature, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certainement vaine. Sourate Az-Zumar, verset 65. Allah nous interdit de lui donner quelconque associé et nous ordonne de l'adorer seul, et ceci est l'unicité dans l'adoration et le sens de l'attestation de foi qui est composé d'une négation et d'une affirmation. Nier l'adoration à autre qu'Allah et affirmer l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. Il nous dit à cet effet, subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, dans le sens, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ensuite, l'auteur du livre a dit, wad-dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. L'auteur du livre rapporte ce verset pour prouver que l'association à autre qu'Allah, le fait de donner des associés à Allah, est interdit et qu'il n'est pas permis de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah. Dans ce verset, Il y a une règle en arabe qui est que lorsqu'un mot est cité de manière indéfinie dans un contexte d'interdiction, alors le sens devient général. Dans ce verset, le mot « personne » en arabe, « ahadan », est indéfini et est mentionné dans un contexte d'interdiction. Et cela lui donne à ce mot un sens plus large et général. C'est-à-dire, n'invoquez donc qui que ce soit ou quoi que ce soit avec Allah. Aucune chose n'est exemptée de cela. Pas un ange, ni un prophète, ni une statue, ni une idole, ni une tombe, un arbre, une pierre, un saint, un cheikh, un allié, un vivant, un mort. N'adorez rien en dehors d'Allahu Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur du livre mentionne la troisième chose à apprendre ou à connaître qui est Man ata'a ar-rasul wa wahhad Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Quiconque obéit au prophète et adore uniquement Allah, il ne lui est pas permis de prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète, pas même ses plus proches parents. Ce troisième point est un point de la plus grande importance. À travers ce point, l'auteur mentionne un des fondements de cette religion qui fait partie des plus grandes obligations du croyant. Ce fondement qui est l'alliance et le désaveu pour Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, les manquements dans ce domaine sont flagrants entre laxisme et exagération. Et ceci résulte de l'ignorance de la religion et de la législation. Et les gens de la sunna sont sur une position de juste milieu concernant ce point. L'alliance, dans son sens linguistique, veut dire le rapprochement d'une chose. Et dans son sens religieux, il veut dire le fait d'aimer, d'avoir de l'affection et de secourir. Quant au désaveu, c'est l'éloignement d'une chose. Et dans son sens religieux, c'est l'éloignement et l'aversion, l'inimitié. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit « La base de l'alliance est l'affection et le rapprochement. Et la base du désaveu, c'est l'aversion et l'éloignement. » Les preuves du Coran et de la Sunna concernant ce fondement sont nombreux. À titre d'exemple, Allah Azza wa Jal dit فقد لقد كان أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dans le sens rapproché du verset, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abi Daoud, authentifié par Cheikh al-Albani, « Man ahabba lillah wa abghada fi Allah » وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. Dans le sens, celui qui aime en Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, a certes complété la foi. Il dit également dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rendu bon par Cheikh al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْمُوَالَاتُ فِي اللَّهِ والمعادات في الله والحب في الله والبغض في الله. L'anse de la foi la plus solide, c'est de s'allier pour Allah, de prendre pour ennemi pour Allah, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Nous voyons à travers ces textes l'interdiction de s'allier avec ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Celui qui adore Allah Azza wa Jal et obéit au messager doit savoir qu'il lui est interdit de s'allier avec les mécréants et d'avoir une affection religieuse à leur égard, quand bien même ces gens seraient des proches. Tel est le croyant sincère, il aime en Allah, il aime les alliés d'Allah et il a de l'aversion à l'égard des mécréants. De même, il faut savoir que l'alliance aux mécréants se divise en deux. La première qui est le fait de s'allier avec le mécréant en aimant, en secourant la religion et la croyance de ce mécréant. Il les aime, il s'allie avec eux, il les secourt pour leur religion. Alors celle-ci fait sortir de l'islam. Et c'est cette catégorie que l'on retrouve dans le verset que l'auteur du livre a cité. La deuxième, qui est une alliance qui n'est pas basée sur la religion, mais pour un bien éphémère de ce bas monde, et non pas par amour et secours de leur religion. Celle-ci ne fait pas sortir de l'islam, mais elle est une désobéissance. Ensuite, il est important de savoir que ce fondement n'empêche pas d'aimer et de vouloir la guider pour ces gens, de les appeler à Allah, d'être bienfaisant avec ceux qui sont bienfaisants envers les musulmans, d'être bon envers les voisins, d'avoir des transactions commerciales et autres, et de ne pas être injuste à leur égard. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « La yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. » Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. De même, le musulman qui a des parents mécréants doit être bon et bienfaisant envers ces derniers, leur obéir dans ce qui ne constitue pas une désobéissance. Il n'y a pas de mal concernant l'amour naturel qu'il leur porte. Cet amour ne rentre pas dans ce que nous venons de citer, et c'est un amour naturel qu'il y a entre proches, mais il devra avoir de l'aversion vers eux pour la religion qu'ils portent. Et pour finir, les gens dans ce domaine sont de trois catégories. Ceux envers qui l'alliance et l'amour est obligatoire, ce sont les prophètes, les véridiques, les pieux, les vertueux. La deuxième catégorie, ceux envers qui le désaveu et l'aversion est obligatoire, ce sont les mécréants, les polythéistes, les athées, les hypocrites, la grande hypocrisie. Et la troisième catégorie sont ceux envers qui on s'allie d'une part et on se désavoue d'une autre part. Ce sont les pervers, les désobéissants parmi les musulmans, dont les désobéissances ne font pas sortir de l'islam. Voici l'explication résumée des trois points à connaître que l'auteur du livre a cité dans cette deuxième introduction. Nous nous arrêtons sur ceci et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous assister dans ce qu'il aime et agrée, de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'iznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته